Dossier 8. Première partie. La fête au village. C'est la fête au village. Des produits régionaux sont exposés sur la place. Corinne et Laura regardent les étalages. Regarde. François arrive en courant. Il a l'air essoufflé. Bonjour. Bonjour François. Il est là Bernard ? Ah, je crois, oui, il doit être dans la cuisine. Vous avez l'air bien essoufflé. C'est que je cours depuis la mairie. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Chez nous ? On n'était pas au courant. Vous ne pouviez pas être au courant, puisque je viens de l'apprendre. Je voulais vous faire la surprise. Vous êtes contente ? Ben oui, un peu inquiète quand même. On n'a rien prévu, Bernard est très occupé. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous promets que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ce soir. Encore une de vos bonnes surprises ? Et la salle ? Elle n'est pas trop petite ? Je vais faire poser des haut-parleurs dehors, comme ça tout le monde entendra le discours, et ça servira aussi pour la musique. Mais c'est vraiment la fête ! Il ne manque plus qu'un feu d'artifice ! Mais un feu d'artifice, on en aura un, vous verrez ! Merci François, ça me fait vraiment très plaisir, vous savez. Bernard aussi va être content. Dans la salle du restaurant, Corinne et Bernard font des préparatifs pour le vin d'honneur. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Angèle arrive accompagnée d'un adolescent. Ils apportent 4 pissaladières. Bonjour Madame Lemoine. Bonjour Monsieur. Bonjour. 4 belles pissaladières. Vous n'aurez qu'à les faire réchauffer pendant le discours du maire. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, Angèle, c'est trop gentil, vraiment. Et mon petit-fils vous prête ses disques. Il en a une quantité. C'est lui qui va faire le disque jockey, alors...